Président Bandakani, nous allons sortir de cette émission avec vous au regard de tout ce que nous nous sommes dit sur ce plateau pour, je rappelle, éclairer la lanterne de nos téléspectateurs pour comprendre la marche, la dynamique du continent africain aujourd'hui dans la quête de sa véritable souveraineté. Quelle conclusion? Le panafricanisme est organisé. C'est pour assurer notre fils. Issa Diawara, le général. Il paraît non organisé, mais il est très organisé. Quand vous affrontez un ennemi implacable, et vieux et ancien, comme l'Occident, vous concevez un niveau d'organisation qui n'est pas à leur niveau. C'est une organisation, professeur Belek, a une dimension visible et une dimension invisible. Vous organisez pour ne pas organiser. Nous n'allons pas aller faire les plans d'action dans des conférences internationales. On fera les conférences internationales, Issa, tu as raison. Mais notre plan ne sera jamais connu. Parce que tu sais très bien que si vous faites un plan et vous le connaissez, c'est fini. Donc le panafricanisme est bien organisé, tout en paraissant inorganisé. C'est-à-dire que c'est une forme d'organisation qui n'est pas au niveau de l'Occident. Pourquoi? Mais que fait l'Occident? On vous affiche une organisation formelle, institutions, machins et consorts, mais qui sont tous marionnettisés. Les vrais patrons, est-ce que vous les voyez? Est-ce que vous siégez au Club Bilderberg? Est-ce que vous siégez à Davos? Est-ce que vous siégez à la trilatérale? Est-ce que vous siégez dans toutes ces organisations, dans les super-loges? C'est là où on décide, mais pourtant vous ne les voyez pas. Là où on décide, ce n'est pas accessible, mais on met en avant les organisations formelles pour ramasser tout le monde et raconter n'importe quoi aux gens. On a compris ça! Deuxièmement, il n'y a pas une contradiction à opposer entre la parole et l'action. Tout à l'heure, le général Diawara nous a demandé, il a posé la question, comment on va renverser Bazoum, Ouattara, tous ces gens-là. Mais c'est compliqué. Comment allons-nous faire avec le Mali? Comment allons-nous faire avec le Mali? Est-ce que quelqu'un pouvait savoir que le Mali là, va devenir la référence en matière de révolution? Qui pouvait imaginer ça? Qui pouvait imaginer ça? La Centrafrique, le Burkina, les actions de Doumbouya nous épatent. Moi, j'ai condamné ici fermement son arrivée au pouvoir. Mais après, on a vu les actions qu'il a posées lorsque la CDAO a voulu détruire le Mali. On était tous surpris. Tout à fait. Il faut concilier la parole, au sens où dit le professeur Belek, et l'action. Merci. Vous comprenez? Parce que vous savez, je termine, je vois qu'on a plus de temps. Oui. Vous savez, mon cher Sidiki, quand on se souvient d'où nous sommes partis pour arriver, au niveau où nous sommes arrivés, il faut faire attention. La parole qui est lâchée ici, ce n'est pas n'importe quelle parole. Ce n'est pas la parole du pape, non. C'est petit ça, ce n'est même pas une parole ça, il faut laisser ça. La parole qui est ici est une parole créatrice. Écoutez-moi bien. Je ne dirai pas plus, c'est une parole créatrice. Je sais de quoi je parle. Vous allez voir, les pauvres émissions sur la RDC, vous allez voir ce que c'est passé en RDC tout le temps. Vous allez voir. C'est une parole créatrice, donc il faut l'articuler et assumer quand elle engendre l'action, quand elle engendre des changements, soit même spectaculaires qui dépassent ce que nous avons prévu. Donc, à la fin, tout ce qu'on dit là, ça va, à la fin, ça va. Chaque justifie s'appelle, ça va bien pour l'instant. Même les Congolais là, ah, parce qu'il y avait 1 million à côté du pape, c'est rien. Le Congo, c'est près de 60 millions d'habitants. Mes chiffres sont exacts. 100 millions. Voilà, 100 millions, merci, merci. Bon, il y avait 1 million chez le pape. C'est pas grand-chose, hein, en rapport avec la population. Sur le plan numérique, c'est pas grand-chose. Donc, moi, je crois à la capacité des Africains. Ceux qui veulent rester catholiques, qui le restent, mais qui le font pour le compte de l'Afrique. Ceux qui veulent rester musulmans, ils le restent, mais pour le compte de l'Afrique. Les Africains ont la capacité, en tant qu'inventeur de toutes ces religions, n'est-ce pas, ont la capacité de les africaniser et de le faire pour leur propre compte. C'est ce que nous disons. Donc, nous rassurons Issa Diawara, il n'y a pas de guerre des religions. Moi-même, je suis pour le professeur Belek le Saint. On a fait des débats là-dessus tellement. Moi, je suis pour... La foi, c'est une affaire personnelle. Mais ça n'empêche pas la réflexion sur la foi, l'étude de la foi en tant que connaissance. C'est ce qu'on a essayé de faire cet après-midi. Vous comprenez? On le fait d'autant plus que, je le dis, nous sommes convaincu de la capacité des catholiques africains à faire la part des choses entre la foi, c'est-à-dire que leur foi personnelle Et ce qu'on appelle Vatican, les Africains, ils commencent à comprendre ça. D'accord. On peut être un bon catholique africain sans recevoir les ordres du Vatican et du pape. C'est vrai pour d'autres religions. Les Africains comprennent ça. Et nous devons encourager, nourrir cette dynamique de souveraineté religieuse et spirituelle des Africains, qui est une condition indispensable, n'est-ce pas, pour le succès du panafricanisme. Merci, merci énormément à vous, Président Bandakani. Afrique Média, le monde, c'est nous.